c'est Josie. Moi c'est Zola sans qui reste pété pété, ça c'est Josie. Ah, c'est pété pété, ça c'est Josie. Moi c'est Zola sans qui reste pété pété, ça c'est Josie. Yo, yo, I'm Zabayo, Bayo.